cherches des filles, moi je cherche des chansons. Toi tu cherches des filles, moi je cherche des chansons. Et si tu as raison, et que je perds mon temps, tant pis. Toi tu vas t'amuser, t'alcooliser en boîte. Moi je reste chez moi, et compose. Toi tu vas t'amuser, t'alcooliser en boîte. Moi je reste chez moi, et compose. Et si tu as raison, et que je perds mon temps, tant pis. J'étais seul, je suis seul, je serai seul, je resterai seul. Et au fond, tant pis. Toi tu cherches des filles. Et je cherche une fille.